Je suis tout pénétré de la joie qui vient de s'emparer de moi. Écrire l'histoire d'Alexandre et de Napoléon du point de vue psychologique, écrit Léon Tolstoï en 1865. La guerre et la paix fait près de 2000 pages, comporte environ 500 personnages et Tolstoï disait que c'était ni un roman, ni un poème, encore moins une chronique historique. Alors pourquoi est-il particulièrement lu en Russie en temps de guerre? Et comment la guerre conduit-elle aux crises existentielles chez Tolstoï? Fragmentation de la perception, bellicisme repenti et sentiment de vanité, voici une archive exceptionnelle, La Voix de Tolstoï, enregistrée en 1908, dans laquelle il nous explique comment l'homme peut passer du statut d'animal perdu à l'être le plus puissant. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Bonjour Luba Jorgensen. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous Merci. Êtes écrivain, traductrice, professeur de littérature russe à Sorbonne Université. Vous avez consacré un ouvrage à Tolstoï et vous venez d'entendre sa voix. Vous connaissez cette archive? Non, je ne la connaissais pas, je la découvre. Merci beaucoup de nous l'avoir fait écouter. C'est dingue d'entendre sa voix enregistrée en 1908 et on y découvre aussi qu'il parlait parfaitement français. Oui, ça on le savait bien sûr parce que d'abord enfin dans ses œuvres, il y a beaucoup de français et notamment dans Guerre et Paix, une bonne partie du roman est écrite en français. Donc quand les Russes le lisent, il y a des notes très importante pour traduire le français vers le russe. Évidemment, le lecteur français ne voit pas cette différence parce que tout est en français. Donc ça veut dire que Guerre et Paix est traduit en russe pour les Russes, les passages écrits en français? Oui, bien sûr. Oui, parce que le lecteur d'aujourd'hui, donc à l'époque de Tolstoï, toute l'aristocratie et l'intelligentsia, tous les lecteurs étaient capables de lire le français, bien sûr, et parfois même le français était leur première langue. Avant, ils s'exprimaient mieux en français qu'en russe, tandis que la postérité de Tolstoï, les lecteurs qui leur ont succédé ne connaissent pas forcément le français. Donc, pour le lecteur russe, il y a toute une partie de Guerre et Paix qui est traduite. Voilà, donc c'est ce qui nous, évidemment, la voix de Tolstoï nous rappelle aujourd'hui à quel point il était familier de la langue française. Alors on dit guerre et paix ou la guerre et la paix? On peut dire les deux, il y a les deux traductions, puisque en Russie il n'y a pas d'article, donc ça peut être la guerre et la paix, ça peut être même une guerre et la paix, mais on a l'habitude, alors guerre et paix ça fait plus abstrait mais plus universel aussi, ouais. Et peut-être que cette universalité... précisément, ce n'est pas c'est cette guerre-là, mais c'est aussi une façon de d'écrire sur la guerre qui se veut beaucoup plus universelle que simplement la guerre, la description des guerres napoléoniennes. Donc peut-être qu'on peut dire guerre et paix. Alors disons guerre et paix ce matin. En tout cas, lire ce livre à la lumière de l'actualité a quelque chose d'assez troublant. Je disais que guerre et paix était particulièrement lu en Russie en temps de guerre, c'est vrai? Il apparaît que ça fait partie des livres qui sont lus en tant que crise. Alors moi, je me base sur une étude de Sarah Grouchka qui porte sur le blocus de Leningrad. Elle a travaillé sur les journaux intimes des Leningradois pendant le blocus et ces journaux révèlent Effectivement, une lecture, voilà, que Guerre et paix était un des livres les plus lus pendant cette période absolument terrible, donc alors que les gens mouraient. J'ai relu aussi récemment des passages de Grossman, de Vassili Grossman, sur qui au dé voilà dont un des personnages au début de la guerre se rend à Yasnaya Palan, donc la propriété de Tolstoï est devenue musée, et c'est un moment très important où cette propriété qui était muséifiée et qui était une maison un peu morte, comme peuvent être les musées littéraires, est redevenue vivante à la lumière du danger qui pèse sur toute la population. Et Grossman apprend que sa propre mère, donc, qui a été assassinée à Berdichev par les nazis qui ont exterminé tous les juifs de Berdichev, que quelques jours avant sa mort, elle lisait encore Guerre et paix à ses élèves en français, parce qu'elle donnait des cours de français. Et je pense que Tolstoï, évidemment, aurait aimé savoir ça, parce que en temps de crise, enfin c'est une hypothèse, hein, mais il semblerait que les gens vont vers des textes universels, c'est-à-dire, et même des textes, par exemple l'Odyssée, ou enfin des textes qui sont perçus comme des grands monuments de la culture et qui ne sont pas forcément des textes, des romans. Enfin, voilà, il y a l'Odyssée, par exemple, ou la Bible, oui, ou des poésies. Enfin, c'est-à-dire des textes aussi qui émanent parfois d'une création collective et non pas individuelle. Oui, certes, mais là, dans Guerre et paix, il y a quand même un lien avec le contexte évident. Il s'agit quand même, oui, de guerre. Absolument. Qu'est-ce qu'un Russe qui, aujourd'hui, lirait Guerre et paix, trouverait qu'il fasse écho avec le conflit auquel nous assistons aujourd'hui ? Alors, je pense que il faut peut-être distinguer la situation de la Seconde Guerre mondiale, où les soviétiques, l'Union soviétique a été envahie par l'Allemagne nazie, même si, enfin, si on met de côté l'épisode du pacte germano-soviétique qui fait que l'URSS a quand même contribué aussi au déclenchement de la guerre, mais bon, les citoyens soviétiques, ils sont attaqués, et donc un livre sur une guerre défensive, évidemment, fait écho avec leur situation, surtout que Tolstoï propose quand même une catharsis. Aujourd'hui, il me semble que peut-être les textes qui feraient davantage écho à la situation actuelle, alors encore une fois, ça dépend comment on se positionne. Il y a des Russes, malheureusement, privés de toute information, qui pensent que c'est la Russie qui est menacée par l'Ukraine. Bon, nous savons bien sûr que c'est un énorme mensonge de propagande poutinienne, mais globalement, il me semble que les textes qui feraient peut-être davantage écho à la situation actuelle sont des textes qui, alors, soit participent à la genèse de Guerre et paix, comme les récits de Sébastopol, oui, qui nous ramène à la guerre dite de Crimée, elle a eu aussi d'autres noms, cette guerre de Crimée qui se déroule pendant la fin du règne de Nicolas Ier, entre 53, voilà, ça s'est déclenché entre 53 et il mourra en 55. Et c'est une guerre qui se solde par une défaite et non par une victoire, hein, et qui est déclenchée, qui oppose la Russie à l'Empire ottoman, ainsi qu'aux Anglais et aux Français qui sont alors qui tentent de stopper l'expansion russe, et qui à ce moment-là s'allie avec l'Empire ottoman à la suite de tentative de la Russie, hein, de s'étendre vers la Moldavie et la Valachie. Donc ça nous ramène complètement à la situation géopolitique d'aujourd'hui, et c'est cette guerre-là guerre-là que Tolstoï, c'est à cette guerre-là que Tolstoï participe lui-même. Voilà, c'est-à-dire il faut qu'il, le dire. Il est témoin des faits. En fait, la jeunesse de Tolstoï, c'est une jeunesse guerrière aussi, parce que donc il commence par se rendre dans le Caucase en 1851, un petit peu par hasard, à la suite d'une perte importante au jeu. Il décide de changer de climat et, au sens propre et figuré, et puis il suit aussi un chemin qui le rattache à cette époque-là au modèle romantique de l'écrivain. Pushkin a été dans le Caucase, Lermontov a été dans le Caucase, alors eux ils étaient exilés, mais ils ont laissé des textes sur le Caucase, et donc l'entrée dans les lettres passe par un séjour dans le Caucase, et là il est témoin des guerres coloniales, de la guerre coloniale, parce que là en fait il est à un endroit qui est aujourd'hui en Tchétchénie, ouais. En fait, et il s'agit d'une guerre, d'une tentative de pacification des populations tchétchènes qui résistent à la colonisation. Et ensuite, il va se retrouver dans le feu de l'action. Alors, il ne participe pas directement à l'action militaire, mais il est là. C'est un des premiers reportages de guerre. Il est là comme reporter de guerre. Donc, on est dans une forme d'écriture très, très moderne avec les récits de Sébastopol. Il écrit trois récits qui documentent de très près la situation à Sébastopol. Donc, il s'expose aussi parce que les obus tombent là où il se rend. Il va à l'hôpital où il voit les blessés, enfin des scènes absolument épouvantables. Ces récits rendent compte aussi de la situation désespérée de l'armée russe et de ses échecs aussi. Et de ses observations, il tire pas tellement une conclusion, mais un constat dont il se servira au moment de la rédaction de Guerre et Paix, à savoir que quand on est sur un champ de bataille, il se passe ce qu'il appelle une sorte de fragmentation de la perception. On ne peut pas percevoir la guerre dans son entier. Et donc, on passe à l'observation d'un petit détail, à une réflexion qui est beaucoup plus large. Et donc, on réfléchit sur ce qu'est le sens de la guerre et comment on se bat. Écoutez d'abord un extrait de Guerre et Paix, la mini-série réalisée par Tom Harper et diffusée sur la BBC en 2016. Et puis ensuite, un extrait du texte lui-même, où on découvre cette fragmentation de la perception. Écoutez comment Tolstoï décrit ça. Tu sembles préoccupé, jeune Rostov. Ce n'est rien, capitaine. Je ne m'attendais pas à reculer, c'est tout. Je sais. Tu es pressé d'envoyer ton jeune cheval à la bataille, hein ? Ma foi, bientôt tu seras appelé à le faire. Et tu pourrais bien être déçu. Comment est-ce, Denisov ? Comment et quoi ? Ça, de se battre au combat. Épouvantable si tu es du mauvais côté. En vérité, ça fait partie de ces choses indescriptibles. Pour comprendre, tu dois les vivre. Comme une première fois avec une femme. Ça peut être enivrant. Ça peut être terrifiant. Tu verras cela. Tout en s'efforçant de parler de choses et d'autres et de regarder par-ci par-là, les hommes et les officiers de l'escadron de Denisov pensaient uniquement à ce qui se passait là-bas, sur la montagne, et scrutaient sans cesse ces taches qui apparaissaient à l'horizon et qu'ils reconnaissaient comme étant des régiments ennemis. Dans l'après-midi, le temps s'était encore éclairci. Le globe rayonnant du soleil descendait vers le Danube et les sombres cimes environnantes. L'air était calme, et de la hauteur qu'occupaient les Français parvenaient parfois des appels de clairons et des cris. Entre l'escadron et l'ennemi, il ne restait plus que quelques petites patrouilles. Un espace vide, de près d'une demi-verste, séparait les deux armées. L'ennemi avait cessé de tirer, ce qui rendait plus perceptible encore cette ligne redoutable, rigide, infranchissable et insaisissable, qui sépare deux troupes ennemies. Un pas seulement au-delà de cette ligne semblable à celle qui sépare les vivants des morts, et c'est l'inconnu, la souffrance, la mort. Et qu'y a-t-il là-bas? Qui est là, au-delà de ce champ, derrière cet arbre, ce toit qu'éclaire le soleil? Nul ne le sait, et on voudrait le savoir. Et on a peur de franchir cette ligne, et on voudrait la franchir. Et l'on sait que tôt ou tard il faudra la franchir, et apprendre ce qu'il y a là-bas, de l'autre côté de la ligne, de même qu'on apprendra inéluctablement ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. Et soi-même, on est fort, en bonne santé, joyeux, excité, et entouré d'hommes tout aussi bien portants, excités, pleins d'allant. C'est ce que ressent, sinon pense tout homme en présence de l'ennemi, et ce sentiment confère en de tels instants un éclat particulier, une âpre allégresse à toutes les impressions. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons de Guerre et paix de Tolstoï ce matin en compagnie de Ljuba Jurgensen. Un mot sur le style avant de parler du fond du texte. Disons-le d'emblée parce que souvent les classiques peuvent faire peur. On se dit Guerre et paix, c'est un livre qui fait 2000 pages, les 10-500 personnages. Ça doit être difficile à lire ou à rentrer dans le texte. C'est exactement l'inverse. C'est un livre d'une simplicité de lecture assez inouïe. Oui, je crois qu'il faut le dire, effectivement, il faut le rappeler. Et c'est un livre qui... D'abord, mêle les fragments. Enfin, son titre est très important parce que Tolstoï est un des premiers à s'intéresser à ce qui se passe aussi à l'arrière. En fait, si on le regarde comme parce qu'il propose au fond une sorte de méthode de micro-histoire. C'est il a sa philosophie de l'histoire qu'on trouve à la fin du texte d'ailleurs. Qu'on trouve à la fin du texte dans l'épilogue qui a été beaucoup évidemment critiqué parce que ça ne correspondait tellement pas à la vision qu'on avait du roman. Parce que sa philosophie de l'histoire, c'est de dire l'histoire n'est pas le fait des grands hommes, ce sont les foules et les gens dits ordinaires derrière les grands hommes qui font l'histoire. Tout à fait. Mais le fait d'exposer déjà sa théorie de l'histoire dans un roman, ça c'était perçu comme quelque chose de tout à fait anti-littéraire. Enfin, comme si niait l'œuvre qui venait d'écrire. Et ce qu'il disait, c'est que ses lecteurs les plus sensibles n'auraient pas besoin de cet épilogue parce qu'ils percevraient ce qu'il veut dire, enfin sa philosophie de la guerre et de l'histoire à travers simplement les personnages et leurs émotions, mais que cet épilogue était écrit pour ceux qui n'avaient pas assez de pour nous autres pauvres gens littéraires. Et cet épilogue a beaucoup agace encore, alors qu'il est finalement d'une très grande modernité si on le lit aujourd'hui, parce que très précisément il y a cette question de l'histoire par le bas, de micro-histoire, d'abord parce qu'on se fixe sur un détail et que ce détail on va zoomer sur le détail, et ensuite parce que effectivement l'histoire n'est pas l'histoire des généraux, n'est pas l'histoire des dispositions des troupes, mais c'est aussi une histoire de la perception. C'est ça. C'est ce qu'on a entendu dans le texte. Oui, et donc on peut parler aussi peut-être de phénoménologie tolstoïenne, parce que la perception joue un très grand rôle, et que cette approche du détail, elle va le conduire à élaborer un de ces procédés qui ont le plus fait couler d'encre au sein de la critique formaliste, notamment, à savoir ce qu'on appelle la défamiliarisation. C'est Michel Couturier qui a traduit ainsi le terme de astranienie, qui veut dire littéralement le rendre étrange, c'est-à-dire cette perception d'un détail qui soudain est vu comme si on voyait le monde pour la première fois. Donc il y a là une forme de réduction phénoménologique chez Tolstoï qui est extrêmement intéressante et qui commence à s'élaborer dans les récits de Sébastopol et qui va trouver sa pleine expression dans Guerre et paix. Et qu'on va retrouver plus tard dans son œuvre, une de ses dernières œuvres sur la guerre, à savoir Hadji Murat, écrit à la fin du 19e et début 20e, même c'est achevé en 1904. Il meurt en 1910, hein, Tolstoï. Oui, oui, oui, il a vécu très longtemps, ce qui fait que nous 1828-1910, avons. 1828-1910, ouais. On a effectivement un parcours qui va du romantisme ou du post-romantisme à la modernité et qui verra en fait s'achever l'ère du grand roman européen, du grand roman russe. Pour les dernières œuvres de Tolstoï ne sont pas, enfin si, il y a évidemment Résurrection, mais disons qu'il y a cette remise en question du roman et du romanesque sur laquelle on reviendra peut-être. Et dans Hadji Murat, justement, Tolstoï, qui entre-temps a adopté une position résolument antimilitariste et pacifiste, sa théorie de la non-violence, va revenir sur ces guerres coloniales auxquelles il a participé dans le Caucase pour mettre en scène un épisode de lutte contre les colonisateurs avec Hadji Murat, qui est un des chefs rebelles opposé à la colonisation russe. Et là, il va voir les Russes avec les yeux de Hadji Murat, c'est-à-dire on a ce même phénomène de défamiliarisation, mais qui va lui permettre de regarder de manière complètement distanciée, voire grotesque parfois, les militaires russes dans le Caucase. Voilà, donc ce procédé va finalement traverser toute son œuvre avec des enjeux et des objectifs différents, c'est-à-dire que si, par exemple, dans Guerre et Paix, il sert à se distancier, parfois à ridiculiser les Français, eh bien, dans la dernière œuvre, ce sont les Russes qui vont être distanciés et ridiculisés grâce à ce procédé. Ça veut dire que Tolstoï lui-même évolue dans sa conception de la guerre au fur et à mesure de sa vie et de ses œuvres. Tolstoï évolue énormément, donc à partir de la grande crise existentielle de la fin des années 70, qui va l'amener à une conversion. Ça va le ramener vers l'Église orthodoxe qu'il avait plus ou moins délaissée, mais ça va ensuite, cette crise et cette nouvelle perception des choses va l'éloigner de nouveau de l'Église, et entre autres parce que l'Église bénit les armes, parce que l'Église ne condamne pas la guerre, alors que donc en étant ainsi en contradiction totale avec le message chrétien. Et donc Tolstoï va, il sera excommunié en 1901. Donc Tolstoï forge une doctrine de la non-violence qui va professer, qui va se diffuser, qui aura une très très grande résonance en Russie, mais aussi dans le monde. Il revient sur sa jeunesse guerrière de manière extrêmement critique, et il va jusqu'à renier ses œuvres romanesques parce que précisément c'est une esthétisation. Autres, parce que c'est une esthétisation de la guerre. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est toute la culture. C'est un grand, c'est un penseur qu'on peut inclure dans la pléiade des penseurs critiques de la culture. Donc, il y a une sorte de rejet de la culture, mais entre autres parce que la culture, comme dirait Benjamin, c'est aussi la barbarie. Enfin, il rejette la culture qui est porteuse aussi de violence. Mais la question de l'esthétisation du conflit, elle est passionnante même encore aujourd'hui. Comment peut-on raconter quelque chose ? Faut-il le raconter de manière le plus réaliste possible ? Est-ce que tout effort d'esthétisme, de style, de travail est quelque chose qui détourne ou qui trahit le conflit lui-même ou pas ? C'est une question vraiment d'actualité. Tout à fait. Alors si on revient au Tolstoï de Guerre et Paix, parce que c'est quand même, lorsque Tolstoï est contre lui-même, nous devons aussi un petit peu le défendre. Contre lui-même. Ouais. Voilà. Donc, si on revient à Guerre et Paix, on peut dire qu'il forge une méthode qui est à la fois une méthode littéraire et une méthode historiographique, parce que pour lui, finalement, les historiens les historiens qui se focalisent sur les mouvements des troupes et sur les généraux manquent ce qui est le cœur de la guerre, à savoir la perception du simple soldat. De ce point de vue, donc en racontant, y compris sur de manière fictionnelle, ce qu'il pense être, ce qu'il a observé comme réaction, oui, des gens dans la bataille, eh bien, il forge finalement une méthode historiographique. Pour Tolstoï, pour le Tolstoï de Guerre et Paix, le seul qui peut raconter la guerre, c'est l'écrivain. En fait, il n'y a que l'écrivain qui possède les outils pour approcher ce qu'est la guerre. Parce que le soldat, lui, il ne voit rien, il ne voit qu'un fragment. L'historien, lui, il ne voit que la totalité et il se trompe souvent sur les mouvements internes de ce qui fait qu'une guerre est perdue ou gagnée. Et en plus, lorsqu'on lit, par exemple, dit Tolstoï, les historiens de différents pays sur le même événement, on va trouver des interprétations complètement différentes de ce même événement. Par exemple, la bataille de Borodino, qui est considérée comme une victoire par Tolstoï, parce qu'à la suite de cette bataille, finalement, le cours de la guerre va s'inverser. Et à la suite de Tolstoï, elle a été considérée comme une victoire et enseignée comme telle dans les écoles et dans les universités. Eh bien, la bataille de Borodino, pour les Français, c'était une victoire de Napoléon avant la défaite. Donc l'écrivain, le seul qui a la juste distance pour raconter ce qui se passe, selon Tolstoï. En fait, l'écrivain a une sorte de, oui, effectivement, d'objectif. Enfin, il peut, en rassemblant les fragments. S'il ne cède pas à cette tentation de totalité, s'il rassemble les fragments, ben, il peut présenter une sorte de mosaïque des événements, ouais, hein, des contenus de la guerre, de façon à donner un panorama plus véridique que celui de l'historien. Prenons un exemple, écoutez comment il raconte la découverte des horreurs sur le front, les horreurs de la guerre et de leur esthétisation. Le Français au nez aquilin qui courait en tête était déjà si proche qu'on distinguait l'expression de son visage. Et le visage échauffé de cet étranger qui, courant légèrement, arrivait sur lui, retenant son souffle, baïonnette en avant, épouvanta Rostov. Il saisit son pistolet, mais au lieu de tirer, le jeta à la tête du Français et se précipita à toutes jambes vers les broussailles, non plus dans l'excitation et l'anxiété du combat comme sur le pont de Lens, mais tel un lièvre poursuivi par les chiens. Un seul sentiment possédait son être, la peur pour sa jeune vie si heureuse. Il bondissait par-dessus les fossés, s'abandonnant à ce même élan qui l'emportait lorsqu'il jouait au bar. Il volait à travers le champ, se retournant de temps à autre pour regarder derrière lui. Son jeune et bon visage était blême, des frissons de terreur parcouraient son dos. « Non, il vaut mieux ne pas regarder », se dit-il. Mais ayant atteint les buissons, il se retourna une fois de plus. Les Français avaient perdu du terrain, et au moment où Rostov se retournait, le premier cessa de courir. Il marchait maintenant et criait quelque chose aux camarades qui le suivaient. Rostov s'arrêta. « Non, ce n'est pas ça, » se dit-il. « Ils ne veulent certainement pas me tuer. » Cependant, son bras gauche devenait si lourd qu'il avait l'impression qu'un poids énorme y était attaché. Il n'avait plus la force de courir. Le Français s'arrêta lui aussi et le mit en joue. Rostov ferma les yeux et se baissa. Une balle, puis une autre, passèrent en bourdonnant au-dessus de lui. Il rassembla ses dernières forces, soutint sa main gauche de la droite et s'enfonça dans les buissons où il aperçut des tirailleurs russes. Le ton de ce texte a quelque chose d'assez incroyable, hein, Lyuba Jurgensen, puisqu'on est entre la encore une fois, la simplicité du style qui semble décrire de manière extrêmement basique ce qui est en train de se passer. Hein, c'est quasiment sujet, verbe, complément. Il y a une forme presque d'ironie quand on voit ce personnage de Rostov qui, face à l'ennemi, n'ose même pas tirer, lui balance le pistolet sur la tête et il part en courant. Et quelque chose de très touchant parce qu'on se trouve subrepticement, en une phrase, dans la tête de Rostov lui-même. Cette technique littéraire-là, elle fait que le lecteur, non seulement est complètement happé, mais qu'il se trouve, en effet, à différents points de vue de la même scène. Oui, surtout que Rostov, donc, qui est le frère de Natacha Rostov, l'héroïne, l'une des héroïnes principales. Oui, délibérément, on n'a pas présenté tous les personnages. Non, on ne peut pas, mais on espère que nos auditeurs iront vite vers le roman et découvriront ces personnages. Donc Nicolas, ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que dans ce qui précède, il a un grand élan patriotique et en fait, avec tout ce qu'il a pu entendre ou lire sur la guerre, il a une idée de la guerre comme de quelque chose d'héroïque et il se voit dans la peau d'un héros. Et puis, confronté à la réalité de la guerre, il est totalement surpris par lui-même. En fait, c'est une réaction à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il en aura très honte. Bon, et puis, il apprendra à faire la guerre. Mais c'est ça, c'est sa première réaction. Il est complètement débordé par ce sentiment de l'absurde face à des gens qui vont le tuer. Pourquoi ? Pourquoi le tuer ? Oui, il se dit non, il n'y a aucune raison qu'il me tue, au fond, il n'y croit pas. C'est ça, c'est tout d'un coup, en fait, c'est l'absurdité de la guerre qui éclate à ses yeux. Et il a une sorte de réaction instinctive par rapport à cette absurdité de la guerre sur laquelle Tolstoï insiste à plusieurs reprises. C'est-à-dire, pourquoi tout d'un coup, des gens se mettent les uns en face des autres et vont se tuer les uns les autres alors qu'ils ne l'ont pas décidé ? Ça nous ramène aussi beaucoup à la situation actuelle. Voilà, les soldats qui mettent leur vie en péril, ils ne l'ont pas voulu. C'est pas eux qui ont décidé d'aller à la guerre. Et Tolstoï insiste beaucoup là-dessus. Ce sont des esclaves, des gouvernements. Enfin, ils sont sacrifiés. Et Nicolas, qui était toutes les raisons de faire la guerre, il imaginait cet ennemi qu'il allait terrasser. Et puis, en fait, toutes ces raisons disparaissent face à la réalité de la guerre. Il faut rappeler aussi que les Russes et les Français qu'il n'y avait pas de tradition d'hostilité entre la Russie et la France. Au contraire, c'était deux cultures très liées, avec des échanges très importants, avec, comme on l'a déjà dit, la langue française qui était la deuxième, voire la première langue de beaucoup de Russes, une grande admiration pour Napoléon, et aussi un intérêt très important pour la Révolution française qui faisait peur au gouvernement mais que les jeunes Russes admiraient. Et donc tout d'un coup se retrouver des deux côtés du champ en face sur le champ de bataille, c'était particulièrement absurde. Et d'ailleurs, dans le texte, Nicolas Rostov, que vous avez découvert dans l'extrait qu'on a diffusé, un peu plus tard va se lier d'amitié avec un soldat français. Ils vont se rendre compte qu'au fond, ce sont les mêmes et que la véritable guerre, elle est contre quelque chose d'inhumain. Elle n'est pas contre les humains qu'on a en face de soi. Tout à fait. Et pour revenir à la guerre de Crimée, Tolstoï décrit des scènes de fraternisation entre les Russes et les Français. Enfin, dans les moments de cesser le feu, ouais. Les Russes et les Français se retrouvent et communiquent et en fait ils ont plein de choses à se dire, puis après ils retournent à leur bastion, et ça c'est quelque chose que Tolstoï a lui-même observé. Et on sent cette tendresse qu'il a pour son personnage qui est pourtant dans une situation, on l'a dit, qui est face à l'absurde et qui est lui-même enfin, il est un peu ridicule aussi à ce moment-là. Oui. Et pourtant, on n'est pas dans la description que Stendhal propose de Fabrice Del Dongo au début de La Chartreuse de Parme, qui est sur le champ de bataille, et qui là, pour le coup, non seulement a l'air ridicule, mais on sent toute l'ironie qui s'installe entre l'auteur et le personnage. Ici, il y a beaucoup plus de tendresse, je trouve. Oui, tout à fait. Et en plus, si on suit la narration, on se rend bien compte que pour Tolstoï, il n'y a pas de comment dire, de fatalité dans les comportements. C'est-à-dire, on peut à un moment avoir peur et puis à un autre moment faire preuve d'héroïsme. Les gens ne sont pas déterminés à l'avance. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, il est complètement surpris par lui-même. Mais à d'autres moments, il y a des personnages aussi qui seront surpris par eux-mêmes dans l'autre sens. Et il y a des personnages qui essaient de contrôler leur rapport à la guerre, comme le prince André, qui est quelqu'un qui se contrôle beaucoup, et qui, lui, a un modèle d'héroïsme qui va s'imposer. Donc, il va... alors, on revient, donc, la fameuse bataille, la fameuse scène de la bataille d'Austerlitz, où il s'empare d'un drapeau, et puis il va courir parce qu'il sait qu'on le regarde, et à la fois, il rêve d'une gloire militaire, mais il a aussi un très grand sens de la dignité et de l'honneur, et donc il faut montrer, il faut donner l'exemple, donc il court avec ce drapeau, puis il va être blessé, et à la suite de cette blessure, lui apparaîtra la vanité totale de l'héroïsme qu'il avait manifesté. Donc on a aussi cette surprise dans l'autre sens. Eh bien, on va entendre ce passage assez incroyable, justement, où André, le prince André Bolkonski fait le constat de l'immense vanité de tout ça, alors que vous l'avez dit, il était complètement hanté par cet héroïsme et ce modèle auquel il voulait se conforter, ce modèle qui était Napoléon d'ailleurs. Écoutez. Prince André et le bataillon n'étaient plus qu'à 20 pas des canons. Il entendait au-dessus de lui le sifflement ininterrompu des balles, et à sa droite et à sa gauche, des hommes tombaient en gémissant. Mais il ne les regardait pas, uniquement attentif à ce qui se passait devant lui, sur la batterie. Il voyait distinctement un artilleur roux, le shako de travers, tirer à lui un refouloir qu'un soldat français essayait de lui arracher. Le prince André distinguait maintenant l'expression hagarde et rageuse des deux hommes qui, manifestement, ne comprenaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Mais le prince André ne vit pas comment cela finit. Il lui sembla qu'un soldat qui se trouvait près de lui le frappait à la tête de toute la force de son bras avec un gros bâton. Ce n'était pas très douloureux, plutôt désagréable, parce que la douleur détournait son attention de ce qu'il regardait. Qu'est-ce qui se passe? Je tombe? Mes jambes se dérobent? Se demanda-t-il, et il tomba sur le dos. Il ouvrit les yeux, voulant savoir comment s'était terminée la lutte des Français et des artilleurs, si le rouquin avait été tué ou non, si les canons avaient été pris ou sauvés. Mais il ne vit rien. Au-dessus de lui, il n'y avait que le ciel, un ciel haut, légèrement voilé, et cependant infiniment haut, sur lequel glissaient lentement des nuages gris. Quel silence! Quelle paix et quelle majesté, songeait le prince André. Ce n'est plus du tout comme lorsque je courais, plus du tout comme lorsque nous courions, crions et nous battions, plus du tout comme lorsque le français et l'artilleur, le visage convulsé de terreur et de rage, s'arrachaient le refouloir. Ce n'est pas du tout ainsi que glissent les nuages dans ce ciel infiniment haut. Comment se fait-il que je ne voyais pas auparavant ce ciel infini? Et quelle joie de le connaître enfin! Oui, tout est vanité, tout est mensonge à part ce ciel. Rien, rien n'existe que lui, mais cela aussi n'existe pas. Il n'y a rien, il n'y a que le silence, le repos, et Dieu en soit loué. Lorsque le prince André est blessé sur le champ de bataille, habité par des pensées austères, sévères, il se détourne de tous les intérêts mesquins de l'existence, des affaires d'État, de la gloire militaire, de la grandeur de Napoléon. Il n'y a plus que le ciel éternel et les nuages qui flottent. Et cette passion du détail, cette promotion du détail, si on peut dire, fait partie en somme chez Tolstoï d'une grande entreprise de démystification. Au fond, d'une grande entreprise qui est au service de la seule vérité, fût-elle très humble. Il s'agit d'en finir avec les mythes et les impostures, les grandes vérités pseudo-historiques, n'est-ce pas, telles que le prestige de Napoléon, par exemple, ou la mise en scène d'une exécution capitale. De dépouiller, en somme, tout ce qui fait écran entre l'homme et le réel. Quel texte, Libba Jorgensen. Ah, c'est, on a beau le réécouter immédiatement. On a beau l'avoir lu des dizaines de fois, il est toujours, il produit toujours le même effet. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'en dit Vladimir Jankélévitch que vous venez d'entendre, oui, à une archive de 1957 où il tout pense finalement que Tolstoï veut, dans ce texte, montre qu'il, enfin, il aspire à démystifier l'histoire et les vérités un peu pseudo-historiques. En tout cas, c'est sans doute une des dimensions de ce texte. Qui est aussi, Jankélévitch le dit aussi à la fin, hein, qui est aussi effectivement un texte sur, qui a une dimension existentielle aussi forte, avec ce rien qu'on va. Incroyable, ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que le silence. Et ce rien, finalement, Tolstoï va le chercher à le comprendre, à le. Y compris lorsqu'il va s'intéresser au bouddhisme à la fin de sa vie, mais on voit déjà que ce rien, cette quête de la paix absolue est déjà là. C'est ça que ça veut dire, c'est que la paix, au fond, elle est dans le rien. C'est-à-dire que la paix n'est pas l'absence de guerre, c'est un autre niveau. La paix, elle est dans la destitution, effectivement, de toutes les vanités qui habille le moi et qui la paix, elle est dans une forme de renoncement à la conscience individuelle pour Tolstoï, parce que c'est son moi qui l'oppresse le plus et c'est ce moi qui l'angoisse, parce que c'est le moi qui a peur de la mort, qui a peur de disparaître. Et là on trouve le prince André qui est au seuil de la mort et qui est délivré de cette peur de la mort, parce que justement le rien est quelque chose d'attirant. Mais ce passage est extraordinaire aussi, effectivement. C'est à la fois très simple, mais si on regarde la densité de ce passage, on a on a la méthode de Tolstoï, d'abord parce que sur le champ de bataille, alors c'est pas évident de décrire un champ de bataille, parce que c'est des mouvements de grandes masses humaines qui sont pas forcément compréhensibles, et pour permettre au lecteur de comprendre ça, Tolstoï suit toujours un personnage et choisit un personnage dans la foule, et le lecteur va le suivre pendant quelque temps. Et donc là, c'est l'artilleur roux, on a toujours un détail qui permet de l'identifier dans la masse. C'est très cinématographique, au fond, comme procédé. Et puis on a l'erreur de perception du prince André, qui a l'impression qu'on le frappe sur la tête, que le soldat d'à côté l'a frappé sur la tête, puis cette chute où il se dit suis-je en train de tomber, et en fait c'est la chute, c'est la position horizontale. Il tombe sur le dos, et c'est ça qui va lui permettre de voir ce ciel qu'il ne pouvait pas voir effectivement tant qu'il était debout. Et donc c'est effectivement la déconstruction de cette image guerrière, virile de l'homme debout avec le fusil, avec l'arme. C'est finalement l'homme à terre qui va découvrir la vérité de ce ciel, de ce ciel pur et le mouvement des nuages. Et cette alliance entre l'homme debout et l'homme couché, on la retrouve souvent dans la littérature russe. Je pense à Oblomov, notamment de Goncharov. On a Oblomov couché et Stolz qui est l'homme debout. Absolument. Après, est-ce que la vérité arrive toujours quand on est couché? Ça, c'est pas sûr. C'était une certaine lecture d'Oblomov. En tout cas, en ce qui nous concerne ici, en ce qui concerne le prince André, ce moment-là où il affirme que tout est vanité, est-ce que c'est une illumination? Est-ce que c'est une conversion? Parce qu'au fond, ce qui suit, c'est quelque chose de religieux. Chez Tolstoï, c'est le cas. Est-ce que dans le roman, pour vous, c'est le cas? Alors, c'est effectivement une conversion. Là encore, je vais citer Claire Delaunay, qui a fait sa thèse sur la question de la crise dans les romans de Tolstoï, elle a bien montré que toute l'œuvre de Tolstoï, en fait, c'est une suite de crises et de résolutions de crises. Donc, une suite de conversions, effectivement, mais qui sont elles-mêmes ensuite remises en question. Et voilà, et Tolstoï nous fait croire à une sorte de catharsis qu'il aimerait sans doute aussi, à laquelle, dont il aimerait croire à la forme définitive pour lui-même, du reste, parce que lui-même progresse et avance à coups de crise. Hein. Tolstoï, toute la vie de Tolstoï, c'est une suite de crises qu'il affirme ensuite avoir résolues. Voilà. Mais... Et c'est ce qu'il veut provoquer chez le lecteur ? Une crise existentielle ? Non, pas forcément, mais c'est ainsi qu'il construit ses personnages. C'est-à-dire que ces personnages, les personnages qui évoluent chez Tolstoï, parce que ce n'est pas le cas de tous les personnages, il y en a qui restent statiques, mais ceux qui évoluent, qui peuvent avoir connaître des révélations et qui vont vers une réalisation intérieure, ces personnages-là traversent des crises importantes. C'est-à-dire que la crise, chez Tolstoï, c'est en fait une forme d'élection à l'égard de... Donc, d'élection de Dieu Tolstoï, du démiurge à l'origine du texte, vis-à-vis de ses personnages. Hein, il y a ceux qu'il a élus et auxquels il va permettre de se réaliser. Et ceux-là, il les fait passer par des crises. C'est lui qui se présente comme Dieu ? Non, avec ses personnages ? Non, c'est pas lui qui se présente comme ça, mais c'est un peu la, disons l'immensité de sa puissance littéraire et la manière dont il, effectivement, il distribue à ses personnages le salut ou la damnation, enfin la damnation au sens où certains de ces personnages vont se recroqueviller dans leur médiocrité. Et d'autres vont évoluer. C'est cette façon-là qui fait percevoir aux critiques Tolstoï comme un démiurge. On dit souvent que le narrateur omniscient est une sorte de démiurge. Donc là, nous avons clairement, dans Guerre et Paix, ce narrateur omniscient qui accompagne tous ces personnages dans leurs états intérieurs, jusqu'au seuil de la mort et parfois un petit peu au-delà. La fin de la guerre ? La paix avec les Français ne durera pas longtemps, faites-moi confiance. Nous affronterons à nouveau Napoléon avant la fin de l'année. Non, monsieur. Nous devons croire que les hommes sont capables d'évoluer. D'évoluer ? Jamais les hommes ne changeront. Pour qu'ils cessent de se battre, il faudrait remplacer tout le sang qui coule dans leurs veines par de l'eau. Vous divaguez comme une vieille femme, monsieur. Mais je me réjouis de constater qu'il reste encore quelques idéalistes sur Terre. Guerre et paix, c'est un livre qui m'a sauvé la vie. On m'a apporté ça dans ma cellule. C'était au début de ma détention et on savait pas trop, je crois, ce qu'on allait faire de nous. Il y avait une imminence de libération et l'un de mes geôliers m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux lire ?» etc. Ça s'est plus du tout reproduit par la suite. Et il m'a apporté les deux tomes de Guerre et Paix. J'ai très vite perdu le premier tome et le second tome, je l'ai lu, je ne sais pas, moi, 40, 50 fois, je l'ai relu à l'envers et ça, c'est un livre que je relis peut-être pas chaque année, mais oui, tous les deux ans. C'était la voix de Jean-Paul Kaufmann, le journaliste qui a été otage au Liban de 1985 à 1988. Il raconte que la lecture de Guerre et Paix lui a littéralement sauvé la vie. C'était un extrait qui faisait écho à un extrait de Guerre et Paix, justement, dans lequel on entend une discussion entre celui qui croit en la fin de la guerre et celui qui pense que les hommes feront toujours la guerre. Et Tolstoï laisse la question ouverte. Il présente les deux points de vue, justement. Est-ce que vous pensez que la lecture de ce texte, Lyuba Jorgensen, a quelque chose de particulier en temps de guerre? Alors, je ne sais pas si ça peut sauver la vie, ça a sauvé celle de Jean-Paul Kaufmann. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce qu'il y a une saveur ou une utilité, une efficacité particulière en temps de guerre? C'est difficile de répondre à cette question parce que nous sommes trop collés aux événements et nous n'avons pas la possibilité de savoir ce que lisent aujourd'hui les gens. C'est aussi, c'est quand même, c'est une œuvre une œuvre qui est aussi philosophique, qui est aussi, comme on l'a déjà dit, une philosophie de l'histoire. Donc, elle apporte certainement quelque chose sur la compréhension de la guerre. Mais encore faut-il avoir le temps, peut-être, de se laisser imprégner de cette œuvre. Oui, pour lire Guerre et Paix, il faut être en paix, c'est ça que vous voulez dire. D'une certaine façon, il faut être soit en paix, soit dans une situation d'assiégé, probablement. Mais moi, ce que j'entends là, enfin, j'espère que c'est un texte sur une guerre défensive et une guerre légitime. S'il y a des guerres légitimes, je veux dire, c'est une guerre populaire aussi que nous présente Tolstoï, en exagérant certainement cette dimension populaire. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une, la Russie mène une guerre d'invasion. Ce n'est pas un conflit, c'est une invasion pure et simple. Donc, j'espère simplement que la littérature russe ne sera pas aussi la grande victime. Vous êtes inquiète de ça ? De cette guerre, parce que, est-ce que les Ukrainiens aujourd'hui ont envie de lire Tolstoï ? Ce n'est pas sûr. Je pense que la littérature russe a déjà survécu à beaucoup de violence. Bon, de toute façon, la littérature est violente, la culture est violente, donc nous le savons. En fait, c'est ce qui nous permet aussi, la littérature nous permet aussi de penser la violence, de l'intégrer dans notre univers, parce que de dépasser la sidération. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement encore sidéré par ce qui se passe. Il y a eu un effet de sidération quand on a appris que les premières bombes étaient tombées sur l'Ukraine. C'était quelque chose qu'on avait du mal à croire. Et on avait d'autant plus de mal à le croire que les Russes et les Ukrainiens, tout à l'heure j'ai parlé des Russes et des Français, mais les Russes et les Ukrainiens ne sont pas des ennemis. C'est comme Rostov sur le champ de bataille, il a du mal à y croire. Ce sont des cultures très très proches. Et donc il y a cet effet de sidération où on n'arrivait même pas à en parler, enfin on ne savait pas quoi dire. On était simplement sous le choc et on est encore sous le choc. Donc la littérature nous permet de dépasser ce choc, de trouver des mots, d'acheminer ces contenus inacceptables, incroyables, vers quelque chose qui va produire du sens. Je pense que la littérature russe survivra, mais c'est vrai qu'en ce moment, je me dis que bon, la culture russe, effectivement, n'est peut-être pas, c'est peut-être pas vers cette culture-là que les Ukrainiens ont envie de se tourner. Lisons Guerre et Paix. Lisez-le vraiment. J'insiste à nouveau sur la facilité d'accès de ce texte qu'on lit vraiment avec un engouement, un enthousiasme. Alors c'est un texte long, mais c'est qu'aujourd'hui on regarde des séries. Lire Guerre et Paix, c'est comme regarder une série. On y retourne chaque jour, on lit pendant des heures et c'est absolument formidable. Merci beaucoup Lyuba Jorgensen d'être venue ce matin nous en parler. Merci. On se quitte avec Guerre et Paix, version Prokofiev. Allez, laissons Natacha, le prince André et Sonia avec Prokofiev. Et il est l'heure d'accueillir sur France Culture les chemins de la philosophie, la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment apparaît la conscience morale ? Quand quelqu'un agit devant nous sans aucun principe moral, quand il cherche à tout détruire, quand il manifeste aussi une forme de perversité ou de cruauté, comme nous le voyons dans la vie individuelle ou collective, et chez certains politiques, et en particulier chez certains dictateurs, nous avons une étrange expression, nous nous disons qu'il n'a aucune conscience, au sens où il n'a aucune conscience morale. Nous ne parlons pas quand nous disons qu'il a perdu toute conscience, qu'il a perdu toute conscience de ce qu'il fait, qu'il a perdu toute conscience morale. Nous ne parlons pas de la conscience comme d'un principe de connaissance, de la connaissance théorique, de quoi que ce soit, et même des principes moraux, mais plutôt comme un principe pratique, comme quelque chose qui devrait le retenir, comme si la conscience était ici une force qui définit quelque chose d'humain, de fondamental, et sans lesquels les relations humaines seraient impossibles. Mettez en place tous les principes que vous voulez. Si, au pouvoir, par exemple, vous placez un être sans aucune conscience morale, alors vous n'avez aucune chance d'arriver à une justice quelle soit. Nous présupposons ainsi qu'il y a caché en nous, mais mystérieusement aussi disparu en certains, un principe absolument fondamental et peut-être naturel et universel, ce que nous appelons la conscience morale. Conscience, conscience, instinct divin, s'écrit ainsi Jean-Jacques Rousseau dans la célèbre profession de foi du vicaire savoyard, au cœur de son Émile ou de l'éducation. Mais cette fameuse conscience morale que le vicaire savoyard et Jean-Jacques Rousseau invoquent, cette conscience sans laquelle finalement, il n'y aurait pas de morale possible. Ce principe en nous moteur existe-t-il vraiment ? Est-ce bien le cas ? Y a-t-il vraiment un principe universel puisque tant d'humains, finalement, semblent l'avoir perdu, semblent n'avoir aucune conscience, comme on dit aussi, aucun principe, aucune conscience morale ? Quelle est donc la nature, quelle est l'origine de ce sentiment? Comment peut-il être à la fois perçu comme essentiel et potentiellement universel et aussi comme fragile et comme facilement destructible ou disparu? Comme Rousseau lui-même le disait, puisqu'il disait que l'homme était naturellement bon, qu'il avait une conscience morale, mais que la société était par contre vouée à le détruire, et la société rend les hommes méchants. Quelle est donc l'origine de la conscience ? Il se peut, en effet, qu'un certain sentiment d'un principe moral apparaisse dans des expériences humaines universelles et d'abord dans des expériences négatives. La conscience morale n'est-elle pas d'abord le sentiment de l'injustice qui peut nous frapper, qui frappera inévitablement n'importe quel être humain peut-être dans son enfance et qui lui fera sentir certains principes universels qui, en effet, nous relient et qu'il ne faut pas transgresser. Cette conscience qui apparaît, mais qui peut en effet être fragile, qui a quelque chose de potentiellement universel, non pas comme naturel, mais comme interhumain, et qu'il faut renforcer par des institutions, car sinon, en effet, elle peut être détruite. Sinon, en effet, celui-là même qui l'a ressenti peut la voir se retourner, puisque la voyant non respectée, il va chercher lui-même à la trahir. La conscience morale surgit dans certaines expériences humaines, mais doit être protégée pour être, en vérité, effective. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique, Le pourquoi du comment, est à réécouter en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Salle en compagnie de Jules Barbier, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions. Jacques Hubert est à la prise de son aujourd'hui. À la lecture des textes, vous avez reconnu Denis Podalydès. On se retrouve demain pour la suite de notre semaine en guerre. Demain, on vous parlera d'armes nucléaires à partir des textes des philosophes du milieu du XXe siècle. Tellement Gunther Anders, Hannah Arendt, Hans Jonas. Vous verrez, les liens avec aujourd'hui sont assez troublants. D'ici là, vous pouvez réécouter l'émission, cette émission sur Guerre et paix de Tolstoï, en vous rendant sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie, mais aussi en téléchargeant, en podcastant l'émission sur la plateforme de votre choix, notamment grâce à l'application Radio France. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h, avec plaisir. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.